السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous sommes le quatrième jour du mois de Shawwal de l'année 1440 et nous reprenons l'étude et nous finissons, Inch'Allah Ta'ala, l'étude de la biographie de notre prophète, messager, exemple et bien-aimé, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Wa hadhi sirah أعظم السير وأفضلها وأكرمها وأطيبها على صاحبها الصلاة والسلام. Et cette biographie est sans aucun doute la plus belle, la plus magnifique, la plus riche des biographies, du fait qu'elle est la biographie du meilleur homme, la biographie du meilleur prophète et messager, la biographie de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilu wa Kalimu wa Rasulu wa Abdu sallallahu alayhi wa sallam. C'est le serviteur et messager d'Allah, c'est le prophète d'Allah, son bien-aimé et celui qu'il a aimé de l'amour le plus pur, Al-Khullah, celui qui a été élu et qui a dit: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. Je suis ou je serai le meilleur des fils de Adam le jour de la résurrection sans me vanter. Donc lorsqu'on étudie cette biographie, c'est une biographie qui est la plus riche, qui est la plus profitable, et c'est une grande partie de la religion. C'est une grande partie de la religion. Et pour le prendre en exemple, celui qui nous a été envoyé comme tel, il faut connaître les étapes de sa vie. Allah nous dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager. Durant les derniers cours, nous avons parlé de Am al-Wufud, de l'an 9 de l'Hégire, l'année des délégations, l'année où l'islam s'est largement et vastement propagé dans la péninsule arabique. Et les gens sont donc venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en masse, et ils ont embrassé l'islam. Et ils sont venus questionner sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons mentionné beaucoup de ces délégations. Nous allons finir sur ce sujet en ajoutant Wafdu Tamim ibn Aws ibn Haritha ad-Dari. Tamim ad-Dari radiallahu anhu. En l'an 9, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti à l'islam. Il a une histoire des plus extraordinaires. L'histoire avec Al-Jassasa. L'histoire avec Al-Masih Al-Dajjal. Et l'histoire avec Al-Masih Al-Dajjal. Et cette histoire, on la trouve dans Sahih Muslim, rahimahullahu ta'ala. Tamim Ad-Dari est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, il était nasrani, il était chrétien. Il est venu et a embrassé l'islam. Et il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une histoire qui lui est arrivée. Quelle est cette histoire? C'est qu'il a pris le bateau avec un groupe de personnes, une trentaine de personnes. Et ce bateau s'est échoué sur une île. Ce bateau s'est échoué suite à un problème sur une île. Et lorsqu'ils sont arrivés sur cette île, ils ont trouvé une bête étrange. ils ont trouvé une chose très étrange dont on ne distinguait pas le devant du derrière, de par ramadha bi sababi kathrati shu'b bi kathrati sababi ash'ab bi kathrati ash'ub. Il y avait tellement de cheveux et tellement de poils qu'il dit, radiallahu anhu, qu'on ne distinguait pas le devant du derrière. Alors, nous questionnâmes cette chose. Donc, c'est Tamim qui raconte cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit, yani, qu'est-ce que tu es? Et la chose a répondu, al-jassasa. Lorsqu'on étudiera, incha'Allah ta'ala, yani, un autre sujet, on développera ce point-là. Puis, al-jassasa les a orientés vers un endroit. Lorsqu'ils se sont rendus et sont entrés dans cet endroit-là, ils ont trouvé al-Masih al-Dajjal, qui était enchaîné. Et ils l'ont questionné, et il a dit qu'il était al-Masih al-Dajjal, al-A'war. À cette époque, il était enchaîné, mais viendra un moment, il sera délié, où ses chaînes seront déliées, et il se passera ce qui a été mentionné dans de nombreux hadith. Et inshallah ta'ala, on fera une conférence détaillée sur ce point, car c'est beaucoup ignoré, bien que ce soit une des plus grandes épreuves. Une des plus grandes épreuves contre lesquelles on a été averti par l'ensemble des messagers. Tous les prophètes, tous les messagers, lorsqu'ils venaient, ils informaient de l'Messie ad-Dajjal et ils mettaient en garde contre lui. Alors qu'on sait qu'il ne sortira que vers la fin des temps. Pourtant, tous les messagers ont informé leur peuple et ont mis en garde. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a informé de sa description. Il nous a tout dit de sorte à ne pas tomber dans la fitna, de sorte à ne pas tomber dans le trouble. Mais c'est une épreuve très très difficile. La plupart vont le suivre. Il va venir, bien que sera inscrit sur son front kaf, fa, ra, ni kafir, il sera inscrit sur son nom, bien qu'il a un œil dans lequel il n'y a pas la lumière, bien qu'il est borgne, bien qu'il ait une mauvaise apparence, il aura des signes qui sortent de l'ordinaire. Il pourra faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, il ordonnera au ciel de pleuvoir, la pluie va tomber. Par exemple, il va appeler les gens à son adoration, à le suivre, ils vont le suivre. Et celui qui ne le suit parmi eux, un ne le suivra pas. Il va mécroire en lui. Alors il va prendre un homme, il va le couper en deux. Puis il va le remettre et il va vivre. Donc ce sont des signes, ce sont des épreuves, des troubles, des tentations qui sont très très très très périlleuses et difficiles. Mais le croyant véridique, il verra. Sur son front, il pourra lire. Même celui qui est analphabète, il pourra le reconnaître. Et ce dernier dira, tu es al-A'war, al-Masih al-Dajjal, kazzab. Celui contre lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous avait avertis. Et il va passer, il prendra les richesses, et ainsi de suite. À la kulli hal, il va prétendre être Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'est que lors de la descente de Isa ibn Maryam, à la fin des temps, qu'il sera tué. Et les croyants véridiques seront restés fermes lors de cette épreuve. À la kulli hal, Tamim ad-Dari, radiallahu anhu, a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écoutez Tamim, il s'est réjoui. Et il a réuni les compagnons. Il s'est réjoui, il a ordonné à ce qu'on appelle les compagnons. Et il leur a raconté. Pourquoi est-ce qu'il s'est réjoui? Parce qu'il a dit que Tamim, qui était auparavant Nasrani, a informé de choses que lui-même avait mentionnées aux compagnons. Donc Tamim ad-Dari est venu musaddiqan. Il est venu informer des choses qui ont appuyé, qui ont confirmé la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par la science qu'il avait auparavant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui et il a dit aux compagnons, Ne vous avais-je pas informé de ceci et de cela? Ne vous avais-je pas informé de ceci et cela? Puis, Tamim a raconté son histoire qui tombe en concordance avec ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, Wafdu al-Hakam ibn Hazm al-Kulfi ou al-Kulafi al-Tamimi radiyallahu anhu. Et cela est rapporté dans le recueil d'Imam Ahmad rahimahullah ibn Amad Abu Daoud rahimahullahu ta'ala. Il nous dit qu'il est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était le 7e de 7 ou le 9e de 9. Ils étaient 7 ou ils étaient 9. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a accueillis de la meilleure manière et ils lui ont dit au message d'Allah, invoque en notre faveur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour eux et il a ordonné à ce qu'on les honore. Il a ordonné à ce qu'on les honore et malgré que c'est un temps de pauvreté où il n'y avait pas beaucoup de vivres, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on leur donne des provisions, qu'on leur donne des dates, de quoi se nourrir et il leur a accordé Il les a logés. Eux-mêmes racontent qu'ils sont restés quelque peu auprès du prophète alayhi salat wa salam et ils ont assisté à un Jumu'ah. Entre autres, ils ont assisté à Al-Jumu'ah. Ils ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'appuyant sur un bâton. Comme s'appuyant sur un bâton ou un arc ou autre. Et parmi ce qu'il a dit, il rapporte Ayyuhannas, innakum intaf'alu, walan tutiqu kullama amartum bih, ou amartukum bih, walakin saddidu wa abshiru. Ibn Hajar nous dit que ce hadith est hassan. Ô vous les gens, si vous le faites et vous ne pourrez pas supporter, c'est-à-dire de tout faire, tout ce que je vous ordonne, Hani, si vous le faites, et vous ne pourrez pas tout faire, c'est-à-dire tout ce que je vous ai ordonné. Mais, faites autant que possible et recevez la bonne nouvelle. Hani, le muslim, il lui est demandé, comme c'est dans le Coran, Fattakullaha mastata'atum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Et dans la sunna ma amartukum bi fa'atu minhu mastata'atum. Ce que je vous ordonne, faites-le autant que possible. Pour finir sur Al-Wufud, on tire une grande leçon de la multitude de ces délégations. C'est quoi? C'est qu'à du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, l'islam s'est propagé dans toute la péninsule arabique. L'islam s'est propagé dans toute la péninsule arabique. Et a traversé région après région jusqu'à ce que l'ensemble des gens de la péninsule arabique soit venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et soit entré en islam pour la majeure partie de ses différentes tribus. Et tout cela de son vivant. On tire également que la promesse d'Allah azza wa jal est vérité. Est-ce que vous vous souvenez au début de ces cours, dans quelle situation était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il était esselé, il était affaibli. Et il subissait les mauvaises paroles, les agressions de Kuffar Quraysh. Il supportait les tortures infligées aux Sahaba radiallahu anhum. Ils ont fait l'égir, ils se sont sauvés pour protéger leur religion. Mais Allah Azza wa Jal lui avait fait la promesse de secourir sa religion et de lui donner la suprématie et d'élever sa religion. Et voici que ces mêmes personnes accourent vers lui, embrassent l'islam et viennent eux-mêmes secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion de son message, de leur messager, alayhi as-salatu wassalam. Donc lorsqu'Allah azza wa jal promet une chose, elle arrive. Mais il ne tient qu'à nous de se montrer endurant. Lorsqu'Allah azza wa jal promet une chose, une récompense, un soutien, un secours, il l'accorde tout le temps. Par contre, lorsqu'il promet une punition, il ne punit pas tout le temps. Subhanallah. Quand Allah promet une récompense, promet de donner, il donne tout le temps. Mais lorsqu'il promet de punir le pécheur, il ne le punit pas tout le temps. Il se peut qu'il lui pardonne. Et sa miséricorde précède sa colère. Sa miséricorde précède sa colère. Et ça, c'est une rahma, et c'est une bonne nouvelle. Le fait de savoir que lorsqu'Allah te promet une récompense, tu l'as toujours. Mais que lorsqu'on te promet une punition suite à un péché, à une désobéissance, il se peut qu'Allah Azza wa Jal pardonne. Et dans le verset, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. On voit ici l'importance d'étudier le tawhid pour le pratiquer, mais aussi d'étudier le shirk pour s'en prémunir et s'en éloigner. Car celui qui rencontre Allah yawm al-qiyamah, quels que soient ses péchés, mais il n'y a pas de shirk dedans, فَهُوَ تَحْتَ مَشِئَةِ اللَّهِ. Il est sous la volonté d'Allah. إِنْشَاءَ غَفَرَ لَهُ. S'il veut, lui pardonne directement, sans le repentir. Là, on parle des péchés, sans repentir. Il rencontre Allah Azza wa Jal avec des péchés, mais il n'y a pas de shirk dedans. Alors, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne, et il le met directement au paradis, malgré toutes ses fautes. Mais il n'y avait pas de shirk. Il avait une aqida salima sahiha. Et s'il veut, il le met en enfer un temps déterminé pour le purifier de ses péchés. Wa ma'aluhu ila al-jannah. Et dans tous les cas, sa finalité sera au paradis. Dans le hadith, Qudusi, Yabn Adam, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Au fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de ce que peut contenir la terre comme péché, sans m'avoir associé quoi que ce soit, l'étendue de la terre remplie de zunoub, de ma'asi, de péché, de kaba'ir, de sara'ir, mais pas de shirk, je viendrais à toi avec son étendue en pardon. En pardon. Donc ça, c'est une qa'ida qu'on doit tous connaître. C'est qu'Allah ne pardonne pas le shirk. Deuxièmement, celui qui rencontre Allah avec tous les péchés sans shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne directement les mots paradis. Et si Allah Azza wa Jal veut, il le met en enfer un temps déterminé pour le purifier de ses péchés. Et ensuite, il le fait sortir par sa miséricorde pour le mettre au paradis. Donc le croyant, il doit faire des efforts pour obéir autant que possible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'éloigner de sa désobéissance. Et celui qui se comporte ainsi, comme a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, abshiru, réjouissez-vous, apprêtez-vous à recevoir la récompense d'Allah Azza wa Jal, son pardon, sa miséricorde, wa hakadha. On voit aussi à travers ces wufud, ces délégations, la noblesse de l'islam quant à l'accueil des délégations et le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam. On a vu que parmi la bonne politique du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est qu'il accueillait ces gens-là, il les honorait, et la plupart d'entre eux ont accepté l'islam de plein gré et sont entrés en islam. Voici pour les wufud, il y en a en réalité beaucoup d'autres. Nous allons avancer inshallah ta'ala et continuer à en mentionner en dehors de ce chapitre. Passons maintenant à des événements qui ont lieu par la suite. Fi sanati tasi'a, en l'an 9, il y a eu un grand événement. La mort d'un homme. Qui est cet homme? Ra'sul munafiqin. La tête des hypocrites. À savoir, Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ibn Sulul. Donc, il est décédé cette année. Lors de son décès, ou suite à son décès, son fils, qui lui était un croyant pieux, un croyant véridique, qui s'appelle également Abdullah. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, mon père est décédé. Peux-tu me donner ton vêtement pour que je l'ensevelisse dedans? Subhanallah. Celui qui a nui au prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a fait du mal à son honneur, à sa famille, à son épouse, à son meilleur ami et compagnon, celui qui n'a cessé de causer du mal et du tort à l'islam et aux musulmans, il décède. Quelle serait la réaction d'autrui? Quant au prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque son fils est venu et lui a demandé le vêtement pour l'enterrer dedans, il l'a enlevé, il lui a donné. Ah, c'est la première chose. Ensuite, il lui a demandé de prier sur lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu pour prier sur Abdullah ibn Ubay, Ra'sul Munafiq. Lorsqu'il s'est avancé, Omar ibn Khattab l'a attrapé par le vêtement et l'a tiré. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Inna Allah Azza wa Jalla nahaka an dhalik. Certes, Allah, ton Seigneur, t'a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Inna Rabbi khayyarani. Inna Rabbi khayyarani. Mon Seigneur m'a donné le choix. Mon Seigneur m'a donné le choix. Entre invoquer en leur faveur, faire dua, prier sur eux ou non. Et on trouve l'histoire dans Sahihayn. Puis il lui a mentionné le verset. In tastaghfir lahum, ou istaghfir lahum, ou la tastaghfir lahum. Demande pardon en leur faveur ou ne demande pas pardon en leur faveur. Mais la suite du verset, in tastaghfir lahum sab'ina marra, si tu venais à demander pour eux le pardon à 70 reprises, fala yaghfir Allahu lahum, Allah ne leur pardonnera pas. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a ajouté et a dit, wa ana sa'azid, et moi je vais ajouter. C'est-à-dire que dans le verset on dit, demande pardon pour eux ou ne le fais pas. Si tu venais à demander pour eux le pardon 70 fois, on ne leur pardonnerait pas. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si on me donne le choix, et moi je vais demander plus de 70 fois. Parce que 70 fois on nous dit quoi? La yaghfir Allahu lahum, Allah ne leur pardonnera pas. Lui alayhi salatu wassalam dit, moi je vais ajouter plus de 70 fois. Yani subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, yani ne traitait rien en affaire personnelle. Wallahi, tu étudies la sira et tu vois le nombre de fois que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a fait du mal. Yani c'est un jour où les croyants se réjouissent de son décès. Mais le prophète alayhi salatu wassalam espère qu'un des serviteurs d'Allah sera sauvé de l'enfer, quelles que soient les actions et quel que soit le tort causé auparavant. Ça, c'est Ra'sul Munafiqin. Subhanallah. Dans combien de batailles il a khazal al-muslimin, il a trahi les croyants et ça a été la cause de nuisance. Combien de fois est-ce qu'il a parlé en mal, a calomnié le prophète alayhi salatu wassalam? Si on rentre à Médine, vous allez voir le plus fort va expulser le plus faible. On a étudié cela. Et lorsqu'il a parlé sur Aïcha radiallahu anha, on a étudié cela. Malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam donne son vêtement pour qu'il soit enterré dedans. Et il fait salat al-janaza sur lui en espérant qu'Allah le sauve de l'enfer. هذا الدرس عظيم والله في ساعة الصدر. Ça c'est une leçon dans la largeur de poitrine, dans la grande miséricorde accordée aux gens, dans al-hilm, la mansuétude, dans le pardon à accorder. Tu trouves wallah dans la même famille. Dans la même famille. Le même sang, min batnin wahid, il sort du même ventre. Deux frères, ils ne se parlent pas un an durant. Deux ans durant. Pourquoi? Parce que lorsque leur père est décédé, ils ont eu chacun une maison et ce bout de terre-là, ils se le disputent. Alors, ils ne se parlent plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, man hajara akha sana, faka annahu safa kadama. Celui qui ne parle plus à son frère pendant un an, c'est comme s'il a fait couler son sang. C'est comme s'il a fait couler son sang. Le prophète sallam a interdit que le croyant rencontre son frère et lui tourne le dos. Le prophète sallam a interdit cela. Pour un oui ou pour un non, dans les demeures des musulmans, de certains musulmans, tu trouves qu'ils ne se parlent plus. Et Raliban, en général, c'est pourquoi? C'est pour des histoires d'argent. Pourtant, l'islam est venu pour éloigner des causes de dissension entre les musulmans. On nous dit ya ma za ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalam. Par exemple, ô serviteurs, ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue proscrite entre vous-mêmes. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. On a interdit à dhulm pour pas qu'on diverge entre nous. Dans le hadith, al-muslimu akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. La yadhlimu, il ne l'opprime pas. La yakhdhulu, il ne le trahit pas. Rasul nous interdit de surenchérir pour augmenter le prix. Le prophète sallam nous interdit de demander une femme en mariage alors qu'elle a été demandée par le frère. Un frère fillah. Tout ça pourquoi? Pour pas qu'on diverge. Toutes les causes pour pas qu'on diverge. Le prophète alayhi salatu wassalam nous encourageait à passer le salam. Le prophète sallam nous encourageait à nous faire des cadeaux pour qu'on s'aime. Le prophète sallam encourageait au pardon. Toutes ces causes pourquoi? Pour qu'il y ait l'ijtima' al-haq, al-tawhid wa al-sunnah. Le prophète nous a interdit de diverger. Tu vois ici le prophète comment il se comportait avec Abdullah ibn Ubay, de son vivant et après sa mort. Et tu ne trouves pas cela entre des croyants. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et cela est dû à la faiblesse de science, puis la faiblesse de iman, de foi. Parce que celui qui va excuser, celui qui va revenir vers son frère, être humble, il va le faire parce que son iman il est fort, parce que sa foi elle est forte. Parce qu'il espère le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ismah yusmah lak. Excuse et tu seras excusé. Celui qui pardonne pas, on ne le pardonnera pas. Combien de textes on a sur? Wali'afu wa li'asfahu. Pardonnez, absolvez. N'aimez-vous pas vous qu'Allah vous pardonne? On a étudié la qissa de Abu Bakr al-Siddiq. Justement, dans l'histoire de la calomnie à l'égard de Hadithatul Ifk, avec Aisha radiallahu anha. Lorsque Mistah, le fils de sa cousine, avait parlé sur Aisha radiallahu anha, il a dit, Wallah, je lui donnerai plus rien. Je dépenserai peu pour lui. Auparavant, il dépensait pour Mistah, qui était un muhajiri, qui était un faqir, et en plus de sa famille. Quand Allah a révélé le verset, Wali'afu, Wali'asfahu, Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Qu'il pardonne et absolve. N'êtes-vous pas vous qu'Allah vous pardonne? Abu Bakr a dit, Wallah, j'aime qu'Allah me pardonne. Wallah, je ne retiendrai plus rien de ce que je donnais à Mustah jusqu'à la fin de mes jours. Et il lui a donné un verset directement. Et tu trouves aujourd'hui, il faut envoyer une délégation chez un tel pour réconcilier avec un tel. Envoyer une délégation à un tel pour la réconcilier, une telle pour la réconcilier avec sa sœur et un tel avec son frère. 200, 200. Ou bien tu trouves que l'homme, il parle plus à son épouse pendant un mois. Ou bien que la femme, elle parle plus à son époux pendant un mois. Subhanallah. Al malaikat al'anuha. Les anges la maudissent. Wa rabbuha yaghdhabu 'alayha. Et tu lui rappelles le hadith. Et elle ne bouge pas comme s'il n'y avait pas d'iman. Comme si il n'y avait pas, yani comme si elle était sourde et n'entendait pas la révélation. Alors que le prophète alayhi salat wa salam avec ra'sul munafiqin, il donne son vêtement pour qu'il soit enterré dedans. Puis il vient, il prie dessus. Puis Omar radiallahu anhu le tire et lui dit, ya Rasulallah, prie pas sur lui, Allah t'a interdit cela. Il prie quand même sur lui et il demande pardon plus de 70 fois pour qu'Allah lui pardonne. Ça c'est une grande leçon, pas pour être ta'amul avec al-munafiqin, mais être ta'amul fima baynana. Être ta'amul fima baynana ma'ashir al-muslimin. Al-Sira est remplie de durus et de ibar. Lorsqu'on étudie Al-Sira, il faut prendre ses leçons, il faut s'éduquer avec. Il ne faut pas étudier Al-Sira comme on étudie une autre biographie. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala révéla « Wa la tusalli ala ahadim minhum mat abadan wa la taqum ala qabrih » Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Par la suite, Allah Azza wa Jalla a interdit au prophète alayhi salat wa salam de prier sur un hypocrite et de se tenir auprès de sa tombe. Désormais, ou plutôt, ne prie pas sur l'un d'entre eux qui mourra et ceci à tout jamais. Et ceci à tout jamais. Et ne te tiens pas debout devant sa tombe. Donc voici un grand événement qui a eu lieu en l'an 9 après l'Hégire, et voici comment a été le comportement du prophète alayhi salat wa salam. Soulignons ici le comportement du fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloum, qui s'est mis avec le prophète alayhi salat wa salam contre son propre père durant sa vie. Mais ça ne l'a pas empêché de concrétiser birrul walidain, la bienfaisance envers les parents. Parce que la bienfaisance envers les parents en islam, elle n'est pas propre aux parents qui est musulman ou aux parents qui est pieux. Non. Mais à partir du moment où il y a le lien de paternité, de maternité, alors il y a birrul walidain. C'est rattaché seulement à la paternité, à la maternité. Sans regarder est-ce que la personne est pieuse, musulmane, pas musulmane. Non. Même si c'est une personne qui combat l'islam, l'islam ordonne à cet enfant d'être bienfaisant vers ses parents. Mais, s'il t'appelle à associer à Allah ce dont tu n'as pas science, فَلَا تُطِعْهُمَا مَنْ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا. Allah Azza wa Jalla nous enseigne comment est-ce qu'on doit être envers le parent non musulman. On nous dit d'être bienfaisant, mais s'il nous invite à faire du haram, à commettre de mauvaises choses, à adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla avec lui, ne leur obéis pas. Certains pensent que comme ils ne sont pas musulmans, alors ils ne doivent pas leur obéir dans le reste. Ils ne doivent pas être bienfaisants. Adaralat, ça c'est une erreur. Dans le Coran, dans Surah Luqman, on dit وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Accompagne-les dans ce bas monde selon le convenable. Donc il va être bienfaisant vers eux. Si ce n'est que lorsqu'il y aura du haram, il ne va pas adhérer à cela. Il ne va pas obéir dans cela. Mais il va continuer d'être bienfaisant vers eux. Et l'histoire de Abu Hurayra avec sa mère n'est pas loin de vous. Lorsqu'il invita l'islam et qu'elle lui a fait entendre de mauvaises paroles, il partit au prophète en pleurant. Et le prophète a fait dua pour elle. Par la suite, de par son bon comportement, suite au dua du prophète alayhi salatu wassalam, elle a embrassé l'islam. Elle a embrassé l'islam. On a vu Asma lorsque sa mère est venue. Elle a dit au prophète que sa mère est venue, wa hiya rariba. Et elle souhaite des choses, elle souhaite obtenir des bienfaits de sa part. Le prophète a dit, c'est là, les liens de parenté. Alors qu'elle n'était pas musulmane. Il lui a dit, lien de parenté, c'est cela que nous apprend l'islam. Ikhwan il-kiram, barakallahu fikum. S'il en est ainsi avec le parent kafir, s'il en est ainsi avec le parent qui est kafir, celui qui a ses parents muslimoun, mu'minoun, musalloun, sajidoun, raki'oun, muzakkoun, hajjoun, qu'est-ce qu'on va dire de du droit qu'ils ont sur lui. Alay ayaliqu bil muslim alladhi akramahu Allahu azza wa jalla bi walidayn muslimayn musalliyayn ay ya'uqahuma. Est-ce qu'il convient, après avoir entendu ces enseignements prophétiques, ces enseignements de la révélation, que le muslim, qu'Allah honoré par des parents musulmans, qui se prosternent, qui prient, qui jeûnent, qui sortent zakat et ainsi de suite, qui font le hajj, d'avoir un mauvais comportement envers eux. Si l'islam n'accepte pas le mauvais comportement de l'enfant musulman envers le parent kafir, à plus forte raison envers le parent musulman. Le parent musulman doit remercier Allah Azza wa Jal. Il doit honorer ses parents. Il doit être bienfaisant envers eux. Il doit les aimer, les considérer. Il doit invoquer Allah Azza dans leur faveur. Il doit les visiter. Il doit dépenser pour eux. Il doit les honorer. Il doit faire tout ce qu'il y a en son possible pour les honorer et leur faire ce qui leur plaît. Puis lors de leur décès, yatawalla amrahum, il les lave, il les met dans le linceul, il les emmène où doivent être enterrés, il prie sur eux, il fait des sadaqat pour eux, il fait du'a pour eux, sinon pas fait le hajj, il fait le hajj pour eux, ou bien l'amra pour eux, des sadaqat, wa hakadha yuhsin ilayhim. Même après la mort, ils ont des droits. Même après la mort, ils ont des droits. Donc ce sont des leçons des plus magnifiques qu'on tire en islam à travers le Coran et à travers la sunnah. Wa as'alullah yaghfira lana. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne pour les grandes imperfections que nous avons dans notre comportement dans le sujet de birrul walidain. Et le meilleur d'entre nous, peut-être, il rentre il dit salam alaikum. Quand il sort, il dit assalamu alaikum. Et une fois dans le mois, il emmène Mahda, ses parents, faire des courses, et il voit que il a ses deux pieds fil jannah. Il voit que il a tout fait pour ses parents. Naam. Et il voit que c'est celui qui a le meilleur comportement envers ses parents. Et il voit que il a gagné, il a réussi. Allahu Akbar. Ça, c'est pas le quart du dixième de ce que faisait le sahaba. C'est pas le quart du dixième du comportement qu'avait les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis avec excellence après eux. Naam. L'un d'entre eux reste toute la nuit auprès de sa mère, il lui masse les pieds parce qu'elle est malade. Toute la nuit. Et il a un frère, lui, qui fait qiyam al-layl. Lui, il masse les pieds de sa mère. Et son frère, il se lève, il prie la nuit. Arrivé au matin, ils vont prier salat al-fajr. Il dit à son frère, pour rien au monde, j'aimerais échanger ma nuit contre la tienne. Yani, il a le fiqh, il a le ilm, que birrul walidain, c'est meilleur que nawafil al-ibadat. Que birrul walidain, c'est meilleur que la prière recommandée. Parce que le prophète sallam, on lui a dit, ya Rasulallah, ayyul amal yahabbu ila Allah ta'ala, qala salat fi waqtiha. C'est la prière obligatoire en son temps. Thumma ay qala birrul walidain. Birrul walidain. L'un d'entre eux, sa mère dort, il a peur qu'elle soit réveillée par une bête qui se trouve sous le lit. Il vient, il met sa main, il trouve que c'est un aqrab, c'est un scorpion. Et il essaye de l'attraper, il se fait mordre une fois, deux fois, et il lâche pas. Il le tient. Il fait tout pour le sortir jusqu'à le tuer, alors qu'il a été, yani, touché par le scorpion un grand nombre de fois. Un grand nombre de fois. C'est ainsi qu'ils étaient. C'est ainsi qu'ils étaient. Donc, on en trouve des histoires et plein. Juste pour finir sur ce chapitre, un est arrivé du Yémen en portant sa mère sur son dos et il lui fait faire le tawaf. Vous imaginez? Pour ceux qui reviennent de la Umra, ils savent que de se porter soi-même pour faire le tawaf, avec le monde qu'il y a et le comportement de certains, c'est difficile. Ajoute à cela la chaleur et autres, et la lourdeur du voyage. Lui, il arrive, il porte sa mère. Il arrive du Yémen. Et c'est pas comme nous, on arrive, yani, en avion, avec une escale, na'am, et on a à manger dans l'avion, et même quand on reprend le deuxième, on a à manger, ensuite on arrive, ensuite un car nous attend, et nous amène à l'hôtel, un bel hôtel, en face du... Non, c'est pas ça. Ils arrivent à pied, un voyage. Il porte sa mère sur son dos, na'am, il porte sa mère sur son dos, à l'époque où c'était très très difficile les conditions. Il fait le tawaf. Quand il finit cela, il va voir Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Et il lui dit, est-ce que tu penses que j'ai remboursé ce qu'a fait ma mère pour moi? Il lui dit non. Ne serait-ce ou ni même, pas même une contraction qu'elle a eue et la douleur qu'elle a eue lors de cette contraction pour te mettre au monde. Allahu Akbar. Et il est bien connu que ne connaît la grande valeur de la mère et qui a réellement de la rayra, de la jalousie pour tout ce qui va nuire à la mère de par ses enfants, ses petits frères, ses petites sœurs, que la personne après s'être mariée et après avoir eu un enfant. Parce qu'il a vu la souffrance de son épouse à ce moment-là. Il a vu la difficulté de l'accouchement. Et toutes les étapes avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, et l'allaitement, et les lochis, et j'en passe. Donc il ne supporte pas qu'un mâle touche volontairement la mère par ses propres enfants. Parce que lui maintenant il a connu. Il a vécu cette chose-là. Bien que ce soit l'homme, il a vu ces choses-là. Naam. Donc, ce qu'il y a dans le Coran, plus ce qu'il y a dans le Sunna, plus ton expérience, ça doit faire que ta mère, elle est au-dessus de ta tête. Elle n'est pas sur ta tête, elle est au-dessus de ta tête. Elle est au-dessus de ta tête. Tout ce qu'elle veut de toi, tu le fais. Biqadr al-mustata. Autant que possible. Autant que possible. Ce qu'elle aime, tu essayes de lui donner autant que possible. Ce qu'elle souhaite, tu essayes de le remplir autant que possible. En espérant la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu yaghfira li ummahatina wa li abaina. Hadi qissatu maut رأس المنافقين عبد الله ابن أبي. Est-ce que ce comportement-là est impossible à atteindre? Ou est-ce que des gens après le prophète alayhi salat wa salam ont réussi avec leurs ennemis, leurs pires ennemis, à être ainsi? Chez les pieux prédécesseurs, on trouve cela. Et chez les anciens après eux, on trouve cela. À l'image de l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahli Sunnah, rahimahullah ta'ala. Il s'est fait torturer de nombreuses années. Il a été emprisonné juste parce qu'il disait la vérité sur le Coran. Il disait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Que le Coran n'est pas créé. Et que la parole d'Allah et sa science sont de ses attributs. Et on le forçait à dire que le Coran est créé. Et on l'a fouetté, on a mis son dos en sang. Et on le remettait en prison. Et tous ceux qui le voyaient se faire torturer disaient, il ne passera pas la nuit. Et on venait le voir, on disait, tu dis une seule parole, on te libère. Il leur disait, ramenez-moi un verset ou un hadith de ce que vous prétendez, je le dirai. El Qur'an kalamullah, ghayru makhluq. Le Qur'an est la parole d'Allah, et c'est une parole incréée. El Qur'an min ilmillah, wa ilmullah ghayru makhluq. Et il est resté ferme sur cela. À la fin de son épreuve, lors d'une ultime confrontation, avec Al-Mu'tazila ibn Abi Dawud et autres, il a débattu avec eux. Si on peut appeler cela un débat, c'est plutôt une correction scientifique et de religion. Au final, le gouverneur a reconnu qu'il était dans l'erreur et qu'il s'était fait duper par les têtes des gens de l'innovation Al-Mu'tazila, les héritiers de Al-Jahmiya, Jahmi al-Safwan. Thabbatana Allah wa iyyakum al-kitab wa sunnah. Alors le gouverneur a dit, ja'alni fi hil, et je te demande de m'excuser. Et il lui a dit, je t'ai déjà excusé. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, après lui, s'est fait yani opprimé, et on lui a nui juste parce qu'il était sur la sunna. Et un jour, un de ses détracteurs est décédé. Alors ses élèves se sont réjouis, ils ont dit, alhamdulillah, on t'informe qu'un tel est décédé. Il a répondu, subhanallah, tubashiruni bi mawti muslim. Il a dit, subhanallah, pour toi c'est une bonne nouvelle le décès d'un musulman. Il s'est mis en colère, alors que c'était un ennemi déclaré qui lui a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Puis, il s'est rendu chez lui et il leur a dit, vous avez perdu un fils, désormais c'est moi qui prendrai la charge. Et dès que vous avez besoin d'une chose, après Allah, vous me la demandez à moi. Qui a atteint ce comportement? Et il disait, je pardonne à chaque musulman qui m'a causé du tort, je ne vais pas être la cause de l'entrée d'un musulman en enfer au Malqiyam. Ça, c'est des niveaux, Allahu Akbar, Wallah, Allahu Akbar, ulama, amiloun. Ça, c'est le niveau des ulama qui ont appliqué leur science, les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a. Lisez leur biographie, Wallah, lisez leur biographie. Apprenez qui ils étaient, les savants, nos savants, les savants de l'islam. Nos savants, les savants de l'islam. Rahmatullahi alayhi. Un événement qui s'est passé en l'an 10, on va s'arrêter sur cela, inshallah, ensuite, c'est Qudum al, yani Qudum Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ma'a qawmih. La venue de ce noble compagnon, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, rahmatullahi, radiallahu anhu. Il est arrivé avec plus d'une centaine de personnes. Il est arrivé avec plus d'une centaine de personnes. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant qu'il entre dans la mosquée, le prophète alayhi salatu wa sallam, alors qu'il était à la mosquée, a dit, donc Jarir arrive, il n'est pas encore entré dans la mosquée. Le prophète sallam ne l'a pas encore rencontré. Le prophète sallam est à l'intérieur de la mosquée. Il dit aux compagnons, vous viendra, ou vous vient une personne qui fait partie des meilleures personnes de tel endroit. Puis il a fait les éloges de Jarir avant qu'il entre à la mosquée. Ça fait partie des signes de la prophétie. Puis Jarir est entré à la mosquée. Le prophète lui a dit, qu'est-ce qui t'a amené avec ton peuple? Et il lui a dit, je suis venu à toi pour me convertir à l'islam auprès de toi. Allahu Akbar. on me convertira à l'islam auprès de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, comme ça a été rapporté dans le Bukhari Muslim. Il lui a donné, ou plutôt, naam, c'est pas dans le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, il l'a envoyé dans une sariya. Il l'a envoyé dans un repère du polythéisme où il était adoré un sanam dans une bâtisse qu'on appelait Dhul Khalasa. Dhul Khalasa. C'était une demeure de shirk qui appartenait à Khath'am. Qui appartenait à Khath'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conversion de Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiallahu an, lui a dit une kalima azima, subhanallah, notez-la. Il lui a dit, Ala turihuni min dhil khalasa. Ne vas-tu pas me soulager de dhul khalasa? Ne vas-tu pas enlever la lourdeur, la fatigue, la difficulté que je ressens à cause de dhul khalasa? Ne vas-tu pas me libérer de dhul khalasa? Dhul Khalasa était dans un endroit donc de appartenant à Khath'am et c'était une bâtisse et elle y était adorée. Elle y était adorée. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, c'est le dernier endroit où il y a une idole adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc cette sariya, la sariya de Jarir ibn Abdillah, elle a son importance. C'est la dernière. C'est la dernière sariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé. Dhul Khalasa était surnommé, écoutez bien, El Ka'batul Yamaniya. La Ka'ba yéménite. El Ka'batul Shamiya également. Donc, c'était une chose qui était en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jarir ibn Abdillah ne tenait pas bien sur sa monture. Il ne tenait pas bien sur sa monture. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a tapé sur la poitrine de Jarir. Il lui a tapé sur la poitrine. Jarir ibn Abdillah dit, il a tellement appuyé sa main qu'on voyait les marques de sa main sur ma poitrine. Vous avez compris? Quand on met une claque dans le dos et que la personne a la peau blanche, ça met des marques, ça, halala. Dans le dos, parce que le visage s'interdit, ça. Donc, il y a des marques. Jarir ibn Abdillah dit, tellement qu'il a appuyé, j'ai vu les marques de sa main sur ma poitrine. Et il a fait dua pour moi. Il a fait dua en ma faveur. Jarir et son groupe sont partis. Ils sont arrivés à Dhul Khalasa. Ils l'ont détruit et l'ont brûlé. Puis il a envoyé la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est grandement réjoui de cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tapé, il a invoqué en sa faveur et il a dit « Allahumma thabbithu » ou « Allah raffermis-le ». Par la suite, Jarir tenait bien sur la monture. « Allahumma thabbithu » Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya. Fais en sorte qu'il soit bien guidé et une cause de guider pour autrui. Donc ils sont rendus à ce sanam, ils l'ont détruit, ils l'ont brûlé. Lorsqu'il est revenu, il a dit à Rasulallah, je n'ai pas quitté Dhul Khalasa, si ce n'est en la rendant tel le chameau qui ne peut plus bouger dû à la maladie, dû à sa maladie. Fafariha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui. Il s'est réjoui d'avoir éloigné une énième cause de shirk sur la terre d'Allah Azza wa Jalla et que le culte tout entier revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de Jarir et de son groupe à 5 reprises. Alors qu'il avait pour habitude d'invoquer 1 fois ou 3 fois lorsqu'il invoquait beaucoup. Mais pour eux, il a fait dua 5 fois. Allahumma salli alayhim. Allahumma barik alayhim ou fihim. Oh Allah, prie sur eux, c'est-à-dire fais leurs éloges. Oh Allah, bénis-les. Et il a fait d'autres du'as en leur faveur. Donc ça montre que vraiment il s'est réjoui de leur travail, radiallahu anhum. Et ici, une grande faïda. Une grande faïda mentionnée par les gens de science. C'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala turihuni min dhil khalasa. Ar-raha, c'est la tranquillité, c'est la tranquillité, c'est l'apaisement. C'est la tranquillité et c'est l'apaisement. Donc, qu'est-ce qui occupait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui lui nuisait? Qu'est-ce qui était lourd pour lui? C'était la présence du shirk sur la terre d'Allah. Et rien ne lui apportait la plénitude du repos, la tranquillité absolue, si ce n'est quoi? At-tawhid. At-tawhid. Voici ce qui apaisait au maximum le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Et al-shirk, voici ce qui alourdissait au maximum le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que doit être le croyant. Quand il y a tawhid, il se réjouit et il aime cela. Et lorsqu'il y a shirk, ça le peine et ça le désole. Et il est jaloux pour la religion d'Allah Azza wa Jalla et son droit. Le droit suprême d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est at-tawhid, c'est l'ikhlas. Wa ma umiru illa li'abudu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika din al-qayyim. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, de s'acquitter de la prière, de la zakat. Voici la religion droite. Comme si le dîn tout entier c'était que tawhid. Et dans le hadith, ya Mu'ad, atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibad 'ala Allah. Ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis, Allah et son messager sont plus savants. Et il m'a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans jamais faire de shirk, sans jamais rien lui associer. حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et le grand imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'imam al-kabir, al-mujaddidu, al-azim, rahmatullahi alayhi, ذكر هذا الحديث في بداية كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. Ce grand hadith a été mentionné au début du livre Kitab al-Tawhid. Le droit d'Allah, le droit suprême d'Allah sur le serviteur, qu'on l'adore sans jamais faire de shirk. Et celui qui fait ça, Allah Azza wa Jal l'honore et lui donne de par sa grâce, c'est pas un droit obligatoire, mais il lui donne et le comble de cela, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui n'a pas fait de shirk. Il ne châtiera pas celui qui n'a pas fait de shirk. Aujourd'hui, on est dans un cours de tawhid. On est dans un cours où on explique le dîn d'Allah, on explique le tawhid, son importance, le shirk et sa gravité. Et c'est possible que tu trouves un homme dans l'assise qui mâche du chewing-gum. Sahulallah. Il mâche du chewing-gum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne trouve pas le repos parce qu'il y a du shirk sur la terre d'Allah, azza wa jal. Parce qu'il a connaissance que dans un endroit, des gens voyage pour cet endroit et il sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Et tu trouves aujourd'hui des gens qui, dans un cours où on explique le shirk, peut-être il mâche du chewing-gum. Peut-être il échange des SMS pendant le cours. Peut-être qu'il rigole même avec ses camarades durant le cours. Peut-être qu'il ne connaît pas la gravité du shirk. Le Prophète sallam dit, ya Jarir, alors qu'il vient de se convertir à l'islam, ala turihuni min dhil khalasa. Ala turihuni min dhil khalasa. Ne vas-tu pas m'apporter le repos en me libérant de dhul khalasa? Jarir ibn Abdillah monte un groupe de 150 personnes, des cavaliers de sa tribu, et ils partent et ils remplissent l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, sa nécessité, son repos. Le fait d'enlever les shirk et d'affirmer sur la terre d'Allah ce pourquoi Allah nous a créé, at-tawhid. At-tawhid. Tu veux savoir où tu es par rapport à at-tawhid? Lorsqu'il y a du shirk, qu'est-ce que ça te fait? Quel est ton souci devant le tawhid et le shirk? Est-ce que tu étudies le tawhid? Est-ce que tu appliques le tawhid? Est-ce que tu mémorises les versets sur le tawhid? Puis tu viens visiter ta famille et tu leur enseignes le tawhid. Puis tu les avertis contre le shirk. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu vois une personne qui a une tamima, qui a une bague porte-bonheur, un bracelet porte-bonheur, qui a une main de Fatma, ou l'œil, ou bien une patte de lapin, ou une queue de lapin, ou autre chose, ou un gris-gris, ou le kitab? Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois une personne qui a ça? Hein? Il a un bracelet, il a un truc en cuivre, ou en peau, et dedans il y a un petit papier, et j'en passe. Pourquoi tu mets ça, yahi? Non, t'inquiète pas, c'est l'imam qui l'a fait, c'est pour me protéger contre le mauvais œil. Non, c'est mon fils, il a une maladie. Kada, avec ça, Allah, il le protège. Hada shirk. Hada huwa shirk. Tamima shirk. Celui qui porte une chose, qui suspend une chose, en espérant qu'Allah azzawajal lui donne un bien à travers cela ou le protège d'un mal, ça s'appelle une tamima, c'est du shirk. Rasoul m'a informé de cela et m'en garde contre cela. 10 hommes sont venus, lui ont prêté allégeance et se sont convertis à l'islam. Le 10e, Rasoul ne lui a pas serré la main. Les gens lui ont dit, pourquoi, messager d'Allah? Et il a dit, il a une tamima, il a un porte-bonheur. Alors il lui a arraché. Il l'a arraché. Et là, le Rasoul m'a accepté de lui serrer la main. Rasoul ne trouve pas la tranquillité alors qu'il a le shirk sur la terre d'Allah. Un homme a juré par autre qu'Allah Azza wa Jalla, le Rasoul s'est mis en colère. Il a dit, ne jurez pas par vos parents, ceux qui veulent jurer, jure par Allah ou il se tait. Certains parmi les pieux prédécesseurs, wallah, quand ils entendaient un homme jurer par autre qu'Allah, ils pleuraient. Allahu Akbar. C'est ces sens-là qu'on a perdu, ces choses-là qu'on a perdu. Étudier le tawhid, c'est pas apprendre de manière académique seulement des taqasim, des ta'arif. Ça, c'est l'étude du tawhid, bien sûr. Mais c'est pas ça seulement. At-tawhid lughatan min wahada yuwahhidu ay ja'ala ash-shay'a wahida. Ça c'est tawhid. At-tawhid thalathatu aqsam: rububiyya, uluhiyya, al-asma' was-sifat. Tawhid ar-rububiyya ifradullah fi af'ali. Tawhid al-uluhiyya ifradullah bil 'ibada. Tawhid al-asma' was-sifat ithbatu ma athbata Allah subhanahu wa ta'ala nafsi aw athbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tamthil wa la ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. Ça c'est le tawhid, et ça on doit l'apprendre, et on l'a appris, walhamdulillahi rabbil alamin. Mais le tawhid c'est plus que cela, ikhwan al-kiram. Le tawhid c'est de vivre le tawhid. Le tawhid c'est as-salah, c'est az-zaka. Le tawhid c'est d'accrocher ton cœur que Allah azza wa jalla. Et la chose que tu vois dans ta main, que tu veux porter à ta bouche, tu sais qu'elle ne va pas venir dans ta bouche, si ce n'est si Allah te facilite cela. Et tawhid, c'est de savoir que tu ne peux pas mettre un pied devant l'autre sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et tawhid, c'est de savoir que tu ne peux pas faire une prosternation, une sajda, sans l'aide d'Allah. Et tawhid, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Et tawhid, c'est de savoir que toutes les formes d'adoration, on doit les donner exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et tawhid, c'est d'aimer Allah plus que tout. Et lorsqu'on doit faire un choix entre ce qu'on aime nous et ce qu'Allah aime, on choisit ce qu'Allah a aimé. Et tawhid, c'est de placer sa confiance entièrement en Allah et d'abandonner son affaire à Allah. Et de savoir que ce qu'Allah veut, sera. Et ce qu'Allah ne veut pas, ne sera jamais. Même si toutes les créatures se réunissent pour le faire. Et tawhid, c'est d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal de nul autre que lui. Et tawhid, c'est d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal, tu délaisses les péchés. Et tawhid, c'est lorsque tu te retrouves tout seul, tu sais qu'Allah te surveille. Et lorsque tu te caches dans le noir pour désobéir à Allah, tu sais que celui qui a créé le noir, Allah te voit. Et que les anges écrivent. Et que yom al-qiyamah, tu vas comparaître chez Allah Azza wa Jal. Et tawhid, c'est de savoir qu'Allah il a ala kulli shay'in qadir. Alors c'est le seul qui mérite l'adoration. Et tawhid, c'est pas seulement de dire Allah c'est le seul créateur, le seul maître. Et tawhid, c'est de prendre toutes les formes d'adoration et de le donner que Allah exclusivement sans jamais rien lui associer. Et tawhid, c'est de se réjouir qu'Allah soit la seule divinité qui mérite l'adoration. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, tu apprends ça. Tu apprends à vivre le tawhid dans ta vie de tous les jours. Tu triches pas, tu sais qu'Allah te surveille. Tu voles pas, tu sais qu'Allah te surveille. Tu aimes Allah plus que tout. Lorsque le tawhid est pratiqué, ça remplit ton cœur de joie. Et tawhid, quand tu vois un musulman, tuhibbuhu fillah. Tu l'aimes pour Allah parce qu'il applique le tawhid. Pas parce qu'il te donne, tu l'aimes plus. Parce qu'il te retient, tu l'aimes moins. Non. Parce qu'il a ta couleur, parce qu'il a ton origine. Non. Mais parce qu'il a dit la ilaha illallah, il est à côté de toi dans les rangs dans salat, tuhibbuhu. Tuhibbuhu plus que ton frère de sang s'il fait pas salat. plus que son frère de sang, c'est un fasiq. Tuhibbu lillah, tu'ti lillah, tuhibbu fillah, wa tubghidu fillah, tu'ti lillah, wa tamna'u lillah. Hada huwa at-tawhid. Tu vis at-tawhid. At-tawhid, t'as les moyens, tu fais le hajj. T'as les moyens, tu fais l'amra. T'as les moyens, tu prends tes parents, tu les amènes. T'as les moyens, tu dépenses pour ta famille, t'éduques ta famille, t'as les moyens, tu t'éduques tes enfants. Tout ça, ça rentre dans le tawhid. El Qur'an, kulluhu tawhid. Tout ce qu'il y a dans le Qur'an, c'est le tawhid. Donc, le tawhid, c'est pas de s'asseoir en cours et d'apprendre juste la division du tawhid. Non. Cela entre dans le tawhid, mais le tawhid, faut le vivre. Tu vas voir le tawhid sur la personne quand la tawhid, tu vas voir dans son comportement. Tu vas voir sur sa langue. Comment il parle? Comment il se comporte? Comment il se tient? Comment il se comporte avec ses parents? Comment il est avec la salat? Comment il est avec la zakat? Comment il est avec le amadha, le siyam, avec le hajj? Tu vas voir sur les tawhid, même comment il parle à ses enfants, à son épouse, tu vas voir comment il est dans le tawhid, cet homme-là. La femme dans le tawhid, tu vas voir comment elle se tient chez elle, envers ses parents, envers son époux, dans l'éducation de ses enfants, quand elle est en colère, quand elle est fatiguée, quand elle est malade, tu vas voir si elle a le tawhid ou elle n'a pas de tawhid. Le tawhid ne se sépare pas de toi. Et tawhid, tu le vends, et tawhid, tu le vis. Et tawhid, tu le respires. Et tawhid, c'est un mode de vie. Quand tu as dit la ilaha illallah avec ilm, avec science. Avec science, la ma'bouda bi haqqin illallah, tu as compris cette parole. Et tawhid, ça va se voir jusqu'à ce que tu entres dans ta tombe, les anges, ils vont voir ton tawhid. Quand ils vont venir te questionner dans ta tombe, men rabbuk ma dinuk ma men nabiyuk. Tu vas répondre avec « Al-Tawhid ». Même après ta mort, tu vas vivre « Al-Tawhid ». « Al-Tawhid » lors de la résurrection des corps et des âmes. « Yawm al-hashri wal-nushur »« Yawm al-su'al wal-imtihan » Tu vas voir « Al-Tawhid » à nouveau. Lors du jugement, on va voir les effets du « Tawhid ». Lors de la balance, on va voir les effets du « Tawhid ». Auprès du « Hawd » pour boire, on va voir les effets du « Tawhid ». Et parmi les erreurs faites dans Tarawih, dans Dua al-Qunut, par beaucoup d'imams, c'est qu'ils font Dua, ils disent, « Oh Allah, accorde-nous de l'eau du Haoud, et ça c'est une bonne chose. » Mais ils disent, « Et qu'on puisse la boire des mains du prophète, alayhi salatu wassalam. » Ibn Uthman dit, c'est une erreur. D'où tu peux affirmer que les gens vont boire du Haoud de Nabi sallam de ses mains, dans ses mains? D'où tu sors ça? Ibn Uthman dit, « Hadaralat, c'est une faute. » Parce que ça n'a pas été affirmé dans les hadiths. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir boire du haoud du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on a les preuves sur ça. Mais de dire qu'on va boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'eux-mêmes de ses mains, ils disent. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va joindre les mains, qu'il va donner à boire à chaque personne. Ça n'a pas été affirmé, dit Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Al-tawhid, ça va se voir lorsque tu vas juger, ça va se voir lorsque tu vas traverser le sirat. Selon la force du tawhid, tu vas traverser Sirat. Certains vont traverser à la vitesse de l'éclair, du vent, d'un cavalier rapide, du pas de course, à la marche. Et d'autres, ils vont ramper parce que leur tawhid, il était faible. Leur tawhid était faible. Et d'autres vont être tapés par Al-Kalalib, par les crochets, ils vont tomber dans l'enfer. Tout cela en fonction du tawhid que tu avais dans ce bas monde-là. Et tawhid, c'est pas juste qu'on écrit sur une feuille le cours et ensuite on le range et on dit j'ai assisté au cours du shir, j'ai assisté au cours du talib, j'ai assisté au cours de l'imam, j'ai assisté au cours de fulan. Non, hada ma yanfa. Si tu t'arrêtes à là, ma yanfa. Et tawhid, bainak wa bain Allah. Et tawhid, c'est un lien entre toi et Allah Azza wa Jal. Et tawhid, tu'amin Rabb al-alamin. Et tawhid, c'est ton comportement avec Allah, le Seigneur des mondes. Hada huwa tawhid. Et tawhid, tu vas avoir ses effets jusqu'à la porte du paradis. Lorsque tu vas être bloqué et qu'on va attendre que le Prophète frappe à la porte du paradis. Voilà, sallallahu min fadli. Et que l'ange va répondre et il va dire qui est. C'est Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. À toi, j'ai reçu l'ordre de ne pas ouvrir si ce n'est, ou bien j'ai reçu l'ordre de ne pas ouvrir si ce n'est à toi. Le Prophète entre au premier parce que c'est celui qui a le tawhid le plus fort. Ensuite, les prophètes parce que ce sont ceux qui ont le tawhid le plus fort. Puis les gens vont entrer fil jannah. Et ils vont entrer au paradis dans des degrés différents selon leur tawhid. Allahu Akbar. Fama azama at-tawhid, ikhwan al-kiram. Oh combien est grande la valeur du tawhid. Oh combien sont nobles les effets du tawhid, ikhwan al-kiram. On doit étudier le tawhid. On doit vivre le tawhid en détail. à la maison, au travail, à l'extérieur, résident, en voyage, homme, femme, enfant, dans l'aisance, dans la difficulté, dans la richesse, dans la pauvreté, le tawhid ne te quitte pas, ne se sépare pas de toi. Ça, c'est une parenthèse qu'on a ouverte et qu'on ne refermera jamais, inshallah ta'ala, dirasat al-tawhid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas le repos alors qu'il y avait le shirk. Le repos des cœurs, il est dans le tawhid. L'un des anciens disait, Wallahi, mon cœur passe par des étapes, par des ressentis, c'est-à-dire quand il ressentait l'amour ardent de rencontrer Allah et le délice de la foi et du tawhid. Il disait, si on m'avait informé que les gens du paradis sont dans cet état, Wallahi, ça aurait été un état noble et très plaisant. C'est-à-dire, il comparait cet état à une jouissance pour une personne qui serait dans le paradis d'Allah Azza wa Jal. Non. Jubair ibn Mut'im, lorsqu'il a goûté à la première fois, pour la première fois au Tawhid, Allahu Akbar. Lorsqu'il a goûté pour la première fois au Tawhid à Médine, Al-Médina, quand il a entendu la prière du Maghrib, le Prophète resté surat al-Tur, et qu'il est passé sur le passage, Am khuliqu min ghayri shay'in am hum al-khaliqun. Quand il a entendu le Coran et que la foi a pénétré son cœur par la grâce d'Allah, il a dit, Kada qalbi an yatir. Quand il a goûté au Tawhid, il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Allahu Akbar. Et il a dit, c'est la première fois que la foi a pénétré mon cœur. Regardez comment il décrit la chose. Il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Et il a dit, tellement c'était un délice que son cœur a bougé dans sa poitrine et il a failli sortir de sa poitrine. Subhanallah. Celui qui a vécu dans le shirk et qu'Allah a honoré de par l'islam, il ressent cela. Il ressent cela et sort de l'esclavage. Il sort de l'assujettissement devant la créature, devant des bouts de bois et de porcelaine. Il sort et il délie les jougs pour se diriger vers l'élévation, vers l'adoration du maître des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbal alamin. Donc le roi sallam avait dit à Jarir ibn Abdillah, « Lam yaqqa min tawarit il jahiliya illa bayt dhil khalasa. » Il ne reste parmi les fausses divinités de la période anti-islamique que Dhul Khalas. Et Jarir ibn Abdillah a mis fin à cela. Dans le recueil d'Imam Ahmed, on trouve le hadith de Tariq ibn Shihab radiallahu anhu qui dit « Qadima Bajila » La tribu de Jarir est arrivée à Médina. Le prophète a dit aux compagnons « Uksu » Al-Bajaliyin, vêtissez Al-Bajaliyin. Allez, donnez-leur des vêtements, honorez-les. Wabda'u bil-Ahmasiyin. Et commencez par les proches de Jarir. Il y a un hadith en. Yani avant ça, sachez que Jarir ibn Abdillah était très très beau. C'était un homme, wasimun jiddan. C'était un homme qui avait une très belle apparure, c'était le chef de sa tribu, et il était doté d'une beauté exceptionnelle. À un point tel, qu'on rapporte que Omar ibn Khattab l'appelait Yusufu hadhi al-ummah. Yusufu hadhi al-ummah. Le Yusuf de la communauté, celui à qui on a donné une grande part de la beauté. Une grande part de la beauté. Il est parti vivre à Al-Kufa. Donc lui, il s'est converti très tard, en l'an 10 de l'Hégire, et lors du décès du prophète sallam, il était fil Yaman. Il est parti vivre à Al-Kufa, fil Irak. Et lorsqu'il y a eu l'apparition de Rafida, qabbahahumullah, Rafida, ce sont la branche des Shia qui insultent les compagnons, qui insultent Aïcha, qui insultent Hafsa, qui insultent Abu Bakr, Omar, qui insultent les meilleurs déjà. Ils les insultent. Ils disent qu'ils sont des hypocrites. Et ils disent, qatalahumullah, qu'Allah les combatte. Ils tuent les musulmans et ils disent qu'à travers cela, ils rentrent au paradis. Ils sèment le désordre au Yémen. Il sème le désordre fil Irak. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Il a vécu donc Al-Kufa. Al-Kufa, c'était un endroit de science avant. C'est un endroit d'islam, de bien. Mais il y a toujours l'islam. Mais je veux dire que c'était un emblème de la science. Les grands savants étaient fil Kufa à l'époque. Des grands rapporteurs du hadith. Les gens voyageaient du monde entier pour aller fil Irak. Il y avait les plus grands savants. À Bagdad et autres. À la kulli hal, il a vécu fil Kufa. Mais lorsqu'il a vu Rafida qui ont insulté les compagnons du Prophète sallam, il a quitté le Kufa. Il a quitté Al-Kufa. Il n'a pas accepté de vivre dans un endroit où on insulte les Sahaba. Radiallahu anhum. Il s'est donc converti proche de l'année du décès, de décès du Prophète sallallahu, ou du mois du décès du Prophète sallam. Si mes souvenirs sont bons, il s'est converti à Fichah Ramadan. En an 10, Fichahri Ramadan. Pour finir, un point en relation avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a informé d'un des signes de la fin des temps. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu sa'a hatta tattariba aliyatu nisa'i daws bidil khalasa. L'heure ne retentira pas tant que les femmes de la tribu de Daws, tribu d'Abu Huraira, Afwan, ne se rendront pas en masse à Dhul Khalasa. C'est-à-dire que le shirk va revenir. Vers la fin des temps, le shirk va revenir dans la péninsule et il touchera particulièrement les femmes de Daws, la tribu de Daws. Daws, c'est la tribu d'Abu Huraira, radiallahu anhu, le meilleur rapporteur de l'islam de hadith. Mais ici, une remarque. Dhul Khalasa, que Jarir ibn Abdullah a détruit, est différent de Dhul Khalasa, vers lequel reviendront les femmes de Daws, de la tribu de Daws. Comme vous le voyez dans le hadith, ici on a dit quoi? Nisa ou Daws, les femmes de Daws. Et Daws, c'est un endroit précis, c'est une tribu précise, ils ont une généalogie précise. Alors que pour Dhul Khalasa, qui a été détruit par Jarir ibn Abdullah. On a dit que c'était où et ça appartenait à qui? Naam. Khatham. Khatham. Et Dhul Khalasa, qui est yani, auprès duquel reviendront les femmes de Daws pour la douandeur d'Allah Azza wa Jal. On a dit que ça, c'était d'où? C'est les gens d'où? De Daws. Donc ce sont deux groupes différents, de deux origines différentes et de deux contrées différentes. Donc Dhul Khalasa, que Jarir a détruit, n'est pas Dhul Khalasa qui est dans ce hadith, qui est un des signes de la fin du monde, un des signes aussi de la prophétie, que dans le futur, Mada, des femmes de Daws, viendront et adoreront Dhul Khalasa. Et de cela, on tire une grande faïda, c'est qu'il ne faut jamais cesser le prêche au tawhid. Et il ne faut jamais cesser la mise en garde contre le shirk. Pourquoi? Parce que le Prophète a informé que ça va revenir. Plus on sera insouciant, plus on sera ignorant, plus le shirk pourra s'installer dans nos rangs. Plus il pourra s'installer dans nos rangs. Et plus il y a le tawhid, et plus il y a l'ilm, et plus il y a la propagation du ilm, moins il y aura les effets du shirk, et plus le shirk disparaîtra. Mais il ne faut pas dire comme les ignorants, c'est bon le tawhid, on l'a compris, et c'est bon les gens, ils sont sur le tawhid, il n'y a pas le shirk. Et de toute façon, il n'y aura plus le shirk et Shaitan a désespéré de faire tomber les gens dans le shirk. Là, Rasul m'a informé que le shirk reviendra dans la péninsule arabique. Rasul m'a informé que le shirk reviendra, donc on doit être sur nos gardes. Et on ne doit pas se sentir à l'abri. Sofiane Thawri pleurait énormément quand on lui disait « Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as commis une faute grave? Est-ce que tu as fait quelque chose? Allah pardonne !» Il prenait des brindilles, il disait, mes péchés sont pas plus nombreux que ça. Je fais pas partie des gens des péchés, ils sont des assises de science. J'enseigne le hadith. Mais j'ai peur qu'avant de mourir, uslab al-tawhid, on me retire al-tawhid. J'ai peur de perdre mon tawhid. Subhanallah, ils avaient peur de ne pas mourir sur l'islam. Ils avaient peur de perdre l'assistance d'Allah Azza wa Jal au moment où ils en auront le plus besoin.